الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, après avoir indiqué la contradiction de ceux qui expliquent le hadith de la femme esclave selon le sens apparent, il dit de plus, que dirais-tu à propos de sa parole Ta'ala, fa'ayna ma tuwallu, fa'thamma wajhullah, dans Surat al-Baqarah, verset numéro 115. Si tu en fais l'interprétation, c'est-à-dire tu l'expliques par un autre sens que le sens apparent, alors pourquoi tu n'interprètes pas le hadith de la femme esclave par un autre sens que le sens apparent? C'est-à-dire que si, comme il le prétendait, on ne peut pas faire le ta'wil, on ne peut pas interpréter par un autre sens que le sens apparent, les versets et les hadiths concernant les attributs de Dieu, si cela a été quelque chose de défendu comme tu le prétends, alors on n'aurait pas pu interpréter également ce verset. Il nous a été rapporté, donc le cheikh explique, il nous a été rapporté au sujet de l'exégèse de cette ayah que Mujahid, l'élève de Ibn Abbas, que Allah l'agrée lui et son père, a dit « La Qibla agréée par Allah ». C'est-à-dire il a expliqué « Wajhullah » par la Qibla, agréée par Allah. Il n'a pas dit le visage ou la face, mais il a dit la Qibla. Donc il a expliqué le mot « Wajh » par le mot « qibla », c'est-à-dire la direction. C'est donc l'interprétation qu'il a donnée. C'est-à-dire, que veut dire donc le sens de ce verset? Et que si quelqu'un était voyageur, donc si quelqu'un était voyageur, et qu'il avait une direction dans son voyage, il peut faire une prière surérogatoire vers sa destination de voyage lorsqu'il est sur une monture. Par exemple, si la Mecque elle est derrière lui, et lui il va vers une direction opposée, et qu'il est en voyage, il peut faire sa prière dans cette direction opposée tant qu'il est sur une monture en voyage. C'est ça le sens de ce verset. Où que vous vous dirigez, il y a une qibla que Allah agrée. Donc là, il ne s'agit pas de celui qui fait une prière obligatoire. On parle de la prière surérogatoire. Et on ne parle pas de quelqu'un qui est dans une voiture, ou dans un train, ou dans un avion. On parle de quelqu'un qui est sur une monture. C'est ça le sens. C'est ainsi que Abdullah ibn Abbas l'a expliqué. Par exemple, si quelqu'un il est entre la Mecque et Médine. Médine, elle est au nord de la Mecque. Il est parti de la Mecque sur un chameau, par exemple. Il va vers Médine. Il veut faire une prière surérogatoire. Il est assis sur le chameau. Il peut faire cette prière surérogatoire en se dirigeant vers Médine, puisque c'est sa destination de voyage, qui est la direction opposée de la Mecque, là où il y a la Kaaba. C'est ça le sens de ce verset. فَأَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Où que vous vous dirigez, il y a une qibla que Allah agrée. Donc là, il y a deux informations. Il y a une information de jurisprudence concernant la validité de cette prière surérogatoire sur le dos d'une monture, en étant voyageur. Et l'autre explication, elle est en termes de croyance, c'est que Abdullah ibn Abbas, il n'a pas expliqué le mot wajh par visage ou face. Il a expliqué par un sens qui est valable dans la langue arabe. Il est valable de dire dans la langue arabe, le mot wajh, c'est la destination, c'est-à-dire la direction. Et c'est cette explication qu'il a donnée ici. Il y a même une parole semblable à cela qui a été rapportée dans le Sahih de Muslim. Dans le Sahih de Muslim, il y a un chapitre, la validité de la prière surérogatoire sur une monture dans le voyage. Chapitre de la validité de la prière surérogatoire, nafila, sur une monture dans un voyage. Où que se dirige cette monture? D'après le fils de Omar, qu'Allah l'agrée lui et son père, un hadith marfoua, c'est-à-dire qui remonte dans sa chaîne de transmission jusqu'au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui explique cela. Et avec une autre chaîne de transmission, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il venait de la Mecque vers Médine sur sa monture, il faisait la prière vers la direction vers laquelle se dirigeait sa monture. Donc, c'est-à-dire à la direction opposée de la Kaaba. Et c'est donc à ce sujet-là qu'a été révélé le verset numéro 115 de Surat Al-Baqarah, فَأَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Donc, même le prophète, il a expliqué par son acte que c'est la direction prise qui est une direction valable pour la prière. Donc personne des savants de Ahlus Sunnah wal Jama'ah n'a dit que le mot wajh voulait dire visage ou face. D'accord. Le shaykh a dit quant au hadith rapporté par At-Tirmidhi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, Irhamu man fil ard yarhamkum man fil sama. Ce qui signifie ceux qui font preuve de miséricorde, Ar-Rahman leur fait miséricorde. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre. Ceux qui sont dans le ciel seront miséricordieux envers vous. Dans une autre version, il y a Yarhamkum Ahlus Sama, c'est-à-dire les habitants du ciel seront miséricordieux envers vous. Donc ce hadith, du point de vue de sa chaîne de transmission, il est qawi, il est fort. C'est un hadith qui a été rapporté ici par At-Tirmidhi dans ses Sunan, et également l'imam Ahmad dans Al-Musnad, et encore Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad. Donc ils ont dit que ce hadith, il est sahih. Ce hadith, il est sahih. Dans ce hadith, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman » Irhamu man fil ard, yarhamkum man fil sama. Et dans l'autre version, elle est rapportée par Al-Hakim dans Al-Mustadrak. Yarhamkum ahlu sama. Cette deuxième version, où il y a le mot ahlu as-sama, explique donc la première version. Car la meilleure manière d'expliquer un hadith rapporté, c'est de le faire par un autre texte rapporté dans le Coran et dans la Sunna, comme l'a dit le Hafiz al-Iraqi dans son ouvrage Al-Fiyatul Hadith. Wa khayru ma fassartahu bil-waridi. C'est une règle qui a été donnée par les savants du Hadith. C'est-à-dire que la meilleure manière d'expliquer un texte, un Hadith qui a été rapporté, c'est par un texte qui a été rapporté, que ce soit en Coran ou le Hadith. Donc ainsi, selon cette deuxième version, où il y a le mot « ahlu sama », « ahl », c'est-à-dire les habitants, il est clair que c'est un pluriel. Le sens du hadith est « faites miséricorde aux gens sur terre ». Comment vous faites miséricorde aux gens sur terre? En les guidant vers le bien. Donc faites miséricorde envers ceux qui sont sur terre, c'est-à-dire en les guidant vers le bien, comme en leur enseignant les sujets de la religion. En leur enseignant les sujets de la religion, les sujets indispensables de la science de la religion. Pourquoi ? Parce que ces sujets indispensables de la science de la religion est une cause pour qu'ils soient sauvés du feu de l'enfer. Ça, c'est une miséricorde que d'enseigner aux gens les sujets indispensables de la science de la religion. Et en donnant à manger à ceux qui sont affamés, ceux qui ont faim, en leur donnant à manger, c'est une forme de miséricorde également envers les gens sur terre. En donnant de quoi se vêtir à ceux qui n'en ont pas, ceci est également une forme de miséricorde pour les gens sur terre, et celui et ce qui est de cet ordre. Lorsque vous faites miséricorde ainsi, alors les anges qui sont dans le ciel vous feront miséricorde. Les anges qui sont dans le ciel vous feront miséricorde. Comment les anges qui sont dans le ciel vous feront miséricorde ? En faisant l'istighfar, la demande du pardon en faveur des croyants. En faisant descendre la pluie. La pluie, c'est une miséricorde. Et d'autres formes de miséricorde. Voilà le sens. Alors pourquoi cette explication par une deuxième version ? Parce que la première version, certains qui ont une mauvaise croyance ont tendance à dire que manifestement ce serait Dieu. Parce que le pronom man peut faire référence à un pluriel ou à un singulier. Or, comme on a vu grâce à la règle donnée par le Hafez al-Iraqi, la meilleure manière d'expliquer un hadith, c'est par un texte rapporté. Justement, il y a cette autre version qui est rapportée par Al-Hakim dans le Mustadrak, où il est clair qu'il s'agit d'un pluriel. Donc le cas singulier est à éliminer. Ce qui reste, c'est le pluriel. Et le pluriel ici, ce sont Ahlus-Sama, les habitants du ciel. Qui habitent dans le ciel, ce sont les anges. Ce qu'on entend par l'expression Ahlus-Sama, ce sont les anges. C'est-à-dire des savants ont expliqué cela par le passé et plus récemment également. On ne dit pas, s'agissant de Allah, Ahlus-Sama. On ne dit pas, s'agissant de Allah, Ahlus-Sama. Ceci est cité par le Hafiz al-Iraqi dans ses Amali. L'Amali, c'est-à-dire les dictées, ce qu'il a dicté à ses étudiants. À la suite de ce hadith. Et l'expression de Hafiz al-Iraqi est la suivante. La parole du prophète, alayhi salatu wassalam, Ahlus Sama, est une preuve que ceux qui sont visés par la parole de Allah, à Amintum man fis sama, dans Surat al-Mulk, qui signifie vous croyez-vous à l'abri de qui est dans le ciel, ce sont les anges. Car on ne dit pas au sujet de, à propos de Allah, Ahlus Sama, fin de citation de la parole de al-Iraqi. Donc, ce qui est visé par la version man fis sama de ce même hadith, irhamu man fil ard, irhamkum man fis sama, ce sont Ahlus Sama, qui sont les habitants du ciel, à savoir les anges. Et c'est grâce à cette même version du hadith que nous déduisons également dans Surat al-Mulk que la parole de Allah, Amintum man fis sama, il s'agit des anges. Vous croyez-vous donc à l'abri de qui est dans le ciel, c'est-à-dire vous croyez-vous donc à l'abri des anges qui, sur ordre de Allah, peuvent vous faire parvenir un châtiment. De plus, man, qui en français, vaut pour le singulier et pour le pluriel. Il y a plusieurs versions, plusieurs cas, comme dans Surat Az-Zumar. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Donc ça veut dire quoi? وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. C'est-à-dire lorsque Israfil va souffler dans le corps, مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ, مَنْ dans les cieux et مَنْ sur terre vont s'évanouir, excepté ceux que Allah épargne, ceux pour qui Allah veut qu'ils ne s'évanouissent pas. Il n'y a donc pas dans cette ayah d'argument en leur faveur. Parce que si il n'y a pas ici de preuve que Allah serait lui-même dans le ciel, la même explication vaut pour la ayah qui suit. أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. Là encore, il y a encore man. Man désigne les gens du ciel. En effet, Allah inflige par les anges un châtiment aux non-musulmans s'il veut que ce châtiment s'abatte sur eux dans le bas-monde. Tout comme ce seront eux, au jour du jugement, qui seront chargés de faire subir le châtiment aux non-musulmans. Car ce sont eux qui ont la charge de l'enfer. Donc il s'agit là des anges. Ce sont eux qui, sur ordre de Dieu, vont faire abattre ce châtiment sur ceux pour qui Allah veut le châtiment. Ils traîneront une partie de l'enfer jusqu'à une des étapes du jour du jugement, afin que les non-musulmans soient terrifiés lorsqu'ils verront cela. Les termes de la version rapportée par le Hafiz al-Iraqi dans ses Amali sont « Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahim, irhamu ahl al-Ard, yarhamkum ahl al-Sama » qui signifie « Ceux qui font preuve de miséricorde, Ar-Rahim leur fait miséricorde. » Ar-Rahim leur fait miséricorde. Ceux qui font preuve de miséricorde, Ar-Rahim leur fait miséricorde. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre, les habitants des cieux seront miséricordieux envers vous. Donc, Ar-Rahim leur fait miséricorde. Ar-Rahim leur fait miséricorde. De plus, donc cet attachement des Mushabbiha aux deux versets précédemment cités dans Surat al-Mulk et au hadith de Ar-Rahman précédemment cité, que Allah serait lui-même dans le ciel, est un attachement qui est déplacé. Et c'est quelque chose qui contredit les hadiths du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses différentes versions. Si on prenait le sens apparent de ces textes-là, il y aurait des contradictions dans le Coran. Et si on prenait le sens apparent, cela reviendrait à attribuer l'évanouissement à Allah, puisque dans le verset que nous avons cité tout à l'heure, dans Sourate Az-Zumar, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Il sera soufflé dans le corps, et ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur terre vont s'évanouir, excepté ceux pour qui Allah ne le veut pas. Donc s'ils prétendent que Allah est dans le ciel, ils lui attribuent l'évanouissement, en plus de l'attribution de l'endroit, de l'image, du corps, de l'endroit. Allah est exempt de tout cela. Allah est exempt de tout cela. Pourquoi? Parce que s'ils prennent le sens apparent du verset dans Sourate Al-Mulk, Amintum man fis sama, selon eux, Allah serait contenu dans le ciel, il serait limité, et que Allah serait de ceux qui vont s'évanouir au jour du jugement. Mais s'ils disent non, nous ne donnons pas au sens fis sama le sens du lieu, du contenant, mais nous lui donnons un autre sens, parce que nous avons la preuve à ce sujet. Nous leur disons, nous également, nous donnons un autre sens que le sens apparent. Pourquoi vous nous reprochez quelque chose, alors que notre preuve à nous est confirmée, et ce sur quoi vous vous basez est quelque chose qui est sujet à confusion. Alors, eux, selon eux, ils se basent sur le hadith de la femme esclave, qui, comme on a dit, est un hadith muttalib, qui n'est pas de chaîne de transmission sûre. Donc leur argument, il n'est pas fort. Tandis que ce sur quoi nous nous basons, ce sont des versions qui sont authentiques et des versets qui sont explicites du Coran, comme la parole de Allah, « Laysa ka mithlihi shay » qui signifie « absolument rien n'est tel que lui ». Le shaykh, que Allah lui fasse miséricorde, a dit de plus, Si Allah habitait le ciel, comme le prétendent certains, il encombrerait les anges. Pourquoi ? Parce que le ciel est rempli d'anges. Ce qui est impossible, car il a été rapporté de manière authentique dans le hadith de At-Tirmidhi, « Ma fis samawati mawdi'u arba'i asabi'a illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajid » Ce qui signifie « Il n'y a pas dans les cieux un espace de quatre doigts qui ne soit occupé par un ange, debout, incliné ou prosterné. » C'est-à-dire, les anges font la prière dans le ciel. Et donc, le ciel est rempli d'anges. S'ils prétendent que Allah est dans le ciel, selon eux, il empiéterait sur l'espace des anges. Est-ce que quelqu'un qui se laisse entraîner par les tromperies des wahhabites va croire que Allah Ta'ala a une taille plus petite qu'un enfant ou plus petite que l'espace de quatre doigts? Et quel est le sens de leur prétention lorsqu'ils disent qu'Allah il descend lui-même jusqu'au ciel du bas monde? Est-ce qu'ils prétendent qu'Allah serait extrêmement grand, étendu de la taille du trône à l'arche, puis il va rapetir et devenir tout petit, jusqu'à atteindre la surface de moins de quatre doigts? Quel est le sens de leurs paroles quand ils disent qu'Allah, il descend le dernier tiers de la nuit, ou la deuxième moitié de la nuit, tout en sachant que cette deuxième moitié de la nuit va se produire dans des temps différents, selon les pays. Ce n'est pas le même moment partout sur Terre. Il n'y a pas un instant sans que, quelque part sur Terre, il y a la moitié de la nuit dans un pays, le milieu de la nuit dans un autre et la troisième partie de la nuit dans un autre pays. Est-ce qu'ils prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps, il ne fait rien d'autre que descendre et monter? S'ils s'attachent à dire cela, ils deviendront la risée de tout le monde. Et il n'échappe à personne que ce qu'ils disent là est contraire au texte de la loi de l'islam et contraire à l'accord de l'unanimité des savants. S'ils ne s'attachent pas à cela, alors ils ne vont plus retenir leur prétendue règle qu'il faut prendre le sens apparent dans tout verset et dans tout hadith des attributs. Alors pourquoi est-ce qu'ils nous reprochent la même chose? Pourquoi ils nous reprochent, nous, de ne pas retenir toujours le sens apparent des textes concernant les attributs lorsque les textes ne sont pas explicites? Donc, ce qu'ils disent n'implique pas qu'Allah soit établi sur le trône, comme ils le prétendent, tout le temps, mais que selon eux, il serait tout le temps en train de monter et de descendre jusqu'au ciel du bas monde, puis remonter. Cela implique pour eux qu'au même moment, il serait sous le trône, sous le paradis, dans les six cieux, et après, il remonte. Regardez la laideur et l'abomination de telles croyances. Le shaykh, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, de même, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, de Abu Sa'id Al-Khudri, que Allah l'agrée, selon lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama' » يأتيني خبر من في السماء صباح مساء يأتيني خبر من في السماء صباح مساء. Ce qui signifie, n'avouez-vous pas confiance en moi alors que je suis le dépositaire de ceux qui sont dans le ciel? Donc là, dans la traduction, on a bien pris le pluriel parce que le mot man admet le pluriel et le singulier, mais comme on a vu par rapport aux autres textes, il s'agit ici forcément du pluriel. Les nouvelles de ceux qui sont dans le ciel me parviennent matin et soir. C'est-à-dire que les gens du ciel, les anges, lui transmettent certaines choses. C'est ça le sens. Je suis le dépositaire de ceux qui sont dans le ciel, c'est-à-dire que les habitants du ciel, les anges, me transmettent certaines choses. C'est-à-dire des nouvelles des anges. Ceux qui sont visés ici, ce sont les anges également. Et si l'expression « manfessama » visait Allah, elle signifierait que Allah a un rang extrêmement élevé, c'est-à-dire de la même manière de l'interprétation de certains du hadith de la femme esclave précédemment cité. C'est-à-dire « man » ici, c'est-à-dire « fessama », c'est-à-dire qui a un très haut degré. Le shaykh a dit quant au hadith de Zaynab bint Jahsh, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel elle disait aux autres épouses du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, Zawwajakunna ahadikun wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Il signifie, ce sont vos familles qui vous ont marié, alors que moi, c'est Allah qui m'a marié. Mon mariage était inscrit au-dessus des sept cieux. Il n'y a pas de preuve que Allah serait dans un endroit, à partir de ce hadith, comme le prétendent les mushabbiha. C'est qui les mushabbiha? Ce sont ceux qui assimilent Allah à ses créatures. Parce qu'ils suivent leurs mauvaises illusions. Mais ce que confirme ce hadith, c'est que le mariage de Zaynab, qu'Allah l'agrée, n'a pas eu lieu avec un tuteur et deux témoins, comme c'est le cas des autres mariages, des autres femmes. Mais le mariage de Zaynab a un jugement très particulier, puisque son mariage a eu lieu d'au-dessus des sept cieux. Ça veut dire que le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab a eu lieu sur un ordre qui est venu d'au-dessus de sept cieux, puisque, comme l'a dit le shaykh, le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec elle est inscrit dans la table préservée. C'est-à-dire, il est inscrit dans la table préservée qu'à telle date, Zaynab deviendrait l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la table préservée est au-dessus des sept cieux. Ça veut dire que son mariage, il est inscrit, il s'agit ici d'une inscription spécifique à Zaynab. Et non pas d'une inscription habituelle, qui concerne tout un chacun, de sorte que, jusqu'à la fin du monde, tout mariage qui doit avoir lieu est effectivement inscrit. La table, quant à elle, est donc bien au-dessus des sept cieux. Donc, tout mariage qui a lieu dans ce bas monde est inscrit dans la table préservée. C'est-à-dire qu'il est inscrit, qu'il se produira avec tel et tel événement. Et donc, lorsque ces événements se produisent, leur mariage est effectif. Quant au mariage de Zaynab, il est devenu effectif par le simple moment qui arrive, c'est-à-dire il est inscrit que lorsqu'arrivera tel moment, elle est épouse du prophète. Pour les autres mariages, généralement, lorsque les gens se réunissent dans tel endroit, il y a des témoins, donc c'est ce qui est inscrit pour les autres mariages. Mais pour Zaynab, il est inscrit qu'à telle date, elle est l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, son mariage a eu lieu sans qu'il n'y ait de participation, de contribution des gens sur terre. C'est une inscription donc particulière pour Zaynab. Et Allah a révélé à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cela, par sa parole dans Sourate Al-Ahzab, Zawwajnakaha, c'est-à-dire nous te l'avons donné pour épouse. Nous avons fait qu'elle devienne ton épouse. C'est cela donc dont Zaynab était fière. Zaynab était fière de cela. Parce que, à la différence des autres épouses du prophète, son mariage était inscrit dans la table préservée d'une inscription particulière. Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et d'autres. Donc, ici, si tu comprends bien cela, tu sais qu'il n'y a pas de preuve dans ce hadith que Allah serait au-dessus de sept cieux. Mais il s'agit de l'inscription du mariage de Zaynab qui est au-dessus de sept cieux. Le shaykh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, quant au hadith qui comporte, « Walladhi nafsi biyadi, ma min rajulin, yad'u mra'atahu ila firashihi, fata'ba alayhi, illa kana alladhi fis sama'i sakhitan alayha. » Ce hadith concerne les anges également. Preuve en est justement la deuxième version du hadith qui est, elle, sahih, plus connue que cette première. Donc dans la première, vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il y a? Il y a « Illa kana alladhi fis sama'i sakhitan alayha. » Et dans la deuxième version, « La'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. » La'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle parvienne au matin. Cette deuxième version est rapportée par Ibn Hibban et d'autres. Donc, cette deuxième version explique la première. La'anat al-mala'ika, c'est-à-dire al-ladhi fi s-sama, ce sont al-mala'ika. Donc là aussi, al-ladhi fait comme man, peut faire référence à un singulier ou un pluriel. Comme dans la deuxième version, il s'agit bien d'un pluriel, on sait dès lors qu'il s'agit des anges. Et on ne dit pas que Allah il est fi s-sama. D'accord? Le shaykh a dit quant au hadith de Abu Darda, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rabbana alladhi fi s-sama'i taqaddas asmuk » Il n'est pas sahih, mais da'if, comme l'a jugé le Hafiz ibn al-Jawzi. Et s'il avait été sahih, son cas aurait été similaire à ce qui a précédé au sujet de la femme esclave. C'est-à-dire que sa signification serait que Allah est plus élevé en degré que tout autre. Ou le sens est que Rabbana alladhi taqaddasa ismuka fis sama. Notre Seigneur, toi dont le nom est glorifié dans le ciel. Ça ne veut pas dire que notre Seigneur qui est dans le ciel, mais toi dont le nom est glorifié dans le ciel. Par qui? Par les anges, puisque les anges évoquent Dieu. Et ceci, bien sûr, dans l'hypothèse que ce hadith était confirmé. La réalité est qu'il n'est pas authentique. Donc, il n'y a pas besoin de l'interpréter. Le cheikh, que Dieu lui fasse, miséricorde, a dit. Quant au hadith de Jubayr ibn Mut'im, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Inna allaha ala arshihi, fauqa samawatihi, wa samawatuhu fauqa aradihi mithlu al-qubba » Al-Bukhari ne l'a pas mis dans son sahih. Donc il le rapporte dans d'autres livres dans lesquels il n'a pas requis le caractère de sahih pour les rapporter. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est une allusion de la part de Al-Bukhari que ce hadith n'est pas sahih. Donc s'il était sahih ou s'il pensait qu'il était sahih, il aurait intégré dans son livre qu'il appelle sahih. Mais il n'a pas intégré dans son livre-là. Il a cité dans d'autres livres que celui-là. Il n'y a donc pas de preuve dans ce hadith. Il y a d'autre part dans sa chaîne de transmission quelqu'un qui est da'if, qui est faible, sur lequel on ne peut s'appuyer pour argumenter, tout comme Ibn al-Jawzi et d'autres l'ont mentionné. De même, Al-Bukhari a transmis dans son livre « Khalqu af'al al-ibad » d'après Ibn Abbas, que Allah l'agré lui et son père, qu'il aurait dit Lamma kallama Allah Musa kana nida'uhu fis sama wa kana Allah fis sama. Ce hadith n'a pas été confirmé, on ne s'appuie donc pas dessus. Quant à la parole attribuée à Malik, selon laquelle il aurait dit Allah fis sama wa 'ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu shay, cette parole n'est pas confirmée de Malik. Il n'a pas confirmé non plus que cette parole soit de Malik. Il n'y a pas de chaîne de transmission qui remonte jusqu'à lui. Abu Daoud ne lui a pas donné une chaîne de transmission forte. Il n'a fait que la citer dans son livre Al-Masa'il. Al-Masa'il, non pas Al-Marasil, Al-Masa'il. Et la simple citation ne vaut pas authentification. Donc le fait qu'un savant cite un texte, cela n'implique pas qu'il l'authentifie. Donc voilà ce que nous retenons concernant l'exemption de Allah de toute ressemblance à ses créatures. Donc certains s'attachent à des textes auxquels ils donnent un sens qui n'est pas correct, et d'autres s'attachent à des textes qui sont faibles. Il n'y a pas besoin de les justifier puisqu'ils ne sont pas authentifiés comme étant des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est à retenir, c'est que les versets du Coran, les hadiths, ne se contredisent pas. Et dans le Coran, il y a des versets qui sont explicites, qui sont la référence à laquelle on se réfère pour l'explication des versets qui ne sont pas explicites. Et le verset le plus explicite qui indique l'exemption de Allah de toute ressemblance avec ses créatures, c'est le verset numéro 11 de Sourate Ash-Shura, Laysa kamithlihi shay, qui signifie absolument rien n'est tel que lui. L'auteur aborde ensuite le paragraphe concernant les 13 attributs de Allah, c'est-à-dire les 13 attributs qu'il est un devoir de connaître pour toute personne responsable. Il a dit, les savants récents, compositeurs d'ouvrages sur la science de la croyance, ont l'habitude de dire c'est un devoir personnel, une obligation pour toute personne responsable, c'est-à-dire pubère et saine d'esprit, de connaître 13 des attributs de Allah subhanahu wa ta'ala. L'existence, l'éternité sans début, c'est-à-dire ne pas avoir de début à son existence, la non-ressemblance avec ce qui entre en existence, l'unicité, c'est-à-dire l'unicité par son être, par ses attributs et par ses actes, le non-besoin, c'est-à-dire ne pas avoir besoin d'autrui, l'éternité sans fin, c'est-à-dire l'exemption de fin, la puissance sur toute chose, la volonté, qui est universelle, la vie, la science de toute chose, la parole, l'ouïe et la vue. Donc ce sont là les 13 attributs. Certains savants ont dit qu'il y a 7 autres attributs qu'il est un devoir de connaître. Lorsque l'auteur a cité les savants récents, il ne vise pas par là que les premiers savants n'ont pas dit qu'il était un devoir de connaître ces attributs, ces 13, propres à l'être de Allah. Non. Les savants les plus récents, tout comme les plus anciens, se sont accordés à dire qu'il est un devoir de connaître ces 13 attributs. Même si ce n'est pas un devoir de mémoriser la dénomination de chaque attribut, mais il est un devoir de les connaître. Parmi les savants prédécesseurs qui ont dit qu'il était un devoir de connaître ces 13 attributs, il y a l'imam Abu Hanifa, qu'Allah l'agrée. Mais les plus récents, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est qu'ils ont spécifié le nombre 13. Donc l'imam Abu Hanifa, il a dit qu'il faut connaître des attributs de Dieu, mais les prédécesseurs n'ont pas forcément indiqué un nombre d'attributs qu'il est un devoir de connaître. Les plus récents ont précisé le nombre. Et ils ont dit également qu'il est un devoir de savoir que ce qui contredit ses attributs est impossible au sujet de Allah. Étant donné que ses attributs sont mentionnés de nombreuses fois dans les textes de la loi de l'islam, à savoir le Coran et le Hadith, de sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait à les enseigner à tout un chacun parmi les musulmans, les savants ont dit qu'il est un devoir personnel de les connaître. C'est-à-dire que c'est une obligation qui incombe à toute personne responsable. Certains ont déclaré qu'il est un devoir d'en connaître 20, exigeant la connaissance supplémentaire de cet attribut qu'on qualifie de ma'nawiyya. Ils ont dit, ainsi que le fait qu'Allah soit puissant, qu'il veuille, qu'il soit vivant, qu'il sache, qu'il parle, et qu'il entende et qu'il voit. D'accord ? Ils ont rajouté ces 7-là. Ils ont dit, ce sont 7 attributs, ils ont dit, qu'il est un devoir de connaître en plus des 13. Mais notre chahir, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, mais c'est la première voie qui prévaut. C'est-à-dire, il fait pencher l'avis qui dit qu'il est un devoir de connaître 13 et non pas 20. Pourquoi ? Parce que ces 13, ces 7 qu'on qualifie de ma'nawiyya, il a dit que ça n'ajoute pas un sens par rapport aux 13 qui sont dits nafsiyya ou sifat ou ma'anin. Les 13 parmi eux, il y a un attribut qu'on qualifie de nafsi, qui est l'existence. Il y a 8 attributs qu'on qualifie de ma'anin, sifat ou ma'anin, qui sont la puissance, la volonté, la science, la vie, l'exemption de début, l'ouïe, la vue et la parole. Pourquoi ils les ont appelés sifat ou ma'anin? C'est-à-dire que chacun de ces 8 attributs constitue une acception, un sens, propre à l'être de Allah. Chacun de ces 8 attributs constitue une acception, un sens, ma'nan, qui est propre à l'être de Allah. Ces 8 attributs, les savants ont dit, il est possible de les voir si le voile est levé pour l'esclave. Il est possible de les voir si le voile est levé pour l'esclave. Il reste 4 attributs qu'on appelle sifat ou salbiyya. Donc on a dit un attribut nafsi, c'est l'existence. 8 attributs qu'on qualifie de sifat ou ma'anin. Et 4 qu'on qualifie de salbi. Salbi, c'est-à-dire, ce sont des attributs qui reviennent à nier quelque chose au sujet de Allah. Quels sont les attributs qui reviennent à nier? C'est l'exemption de début, l'unicité, le non-besoin et la non-ressemblance aux créatures. L'exemption de début, l'unicité, le non-besoin et la non-ressemblance aux créatures. Chacun de ces 4 attributs revient à nier un défaut au sujet de Dieu. L'exemption de début revient à nier le début. L'unicité revient à nier l'associé. Le non-besoin revient à nier le besoin. La non-ressemblance aux créatures revient à nier le semblable et l'équivalent. Je répète, les 4 attributs qu'on appelle salbi, qui reviennent à nier un défaut au sujet de Allah, ce sont l'exemption de début qui revient à nier le début. L'unicité qui revient à nier l'associé. Le non-besoin qui revient à nier le besoin. La non-ressemblance aux créatures qui revient à nier la ressemblance et l'équivalent. Donc voilà comment les 13 attributs sont considérés. On dit un premier attribut qu'on appelle nafsi, propre à l'être de Dieu, qui est l'existence. 8 attributs qu'on appelle sifat ou ma'anin, qui sont aussi propres à l'être de Allah, mais qui constituent chacun un sens, une acception propre à l'être de Dieu. Il s'agit de la puissance, la volonté, la science, la vie, l'exemption de faim, l'ouïe, la vue et la parole. De sorte que si le voile est levé pour l'esclave, il voit chacun de ces 8 attributs. Et les quatre restants, ce sont des attributs qu'on qualifie de salbi, parce qu'ils reviennent à nier un défaut au sujet de Allah. Il s'agit de l'exemption de début, qui revient à nier le début, le commencement, l'unicité qui revient à nier l'associé à Allah, le non-besoin qui revient à nier le besoin au sujet de Allah, la non-ressemblance aux créatures qui revient à nier le semblable et l'équivalent. D'autres savants ont dit qu'il est un devoir de connaître cet attribut qu'ils ont appelé sifatun ma'nawiyya, c'est-à-dire ils ont dit le fait que Allah Ta'ala sache, le fait que Allah Ta'ala soit puissant, le fait qu'il veuille, le fait qu'il soit vivant, le fait qu'il entende, le fait qu'il voit, le fait qu'il parle. Donc ils ont appelé cela sifatun ma'nawiyya. Mais comme nous avons vu tout à l'heure, c'est le premier avis qui est le plus fort. Parce que savoir que Allah a pour attribut la vie implique, on en comprend, qu'il est vivant. Savoir que Allah a pour attribut la puissance, on en comprend qu'il est tout puissant. Et donc, comme vous voyez, c'est quelque chose qui est immédiat. Le fait qu'il ait l'attribut de l'ouïe entend, implique que Allah entende. Donc c'est pour cela que dire qu'il y a sept attributs additionnels à connaître n'est pas un avis qui est fort. Ainsi, nous aurons terminé cette première introduction et nous continuerons avec chacun des attributs, Inch'Allah, une autre fois. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم.